Bonjour, je vais laisser la parole à Gaël qui va nous parler de la nouvelle loi sur le secret d'affaires. Merci. Alors, bon, la raison pour laquelle je pensais que c'était important de discuter de ce sujet-là, c'est qu'effectivement il y a une actualité récente dont je vais vous parler plus en détail, c'est une nouvelle directive européenne qui vient d'être votée, mais au-delà de ça, en fait, ça renvoie à un agenda de lobby de gros industriels en France, en Europe et dans pas mal de pays dans le monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, c'est important d'informer les gens en fait sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est à la fois un sujet un peu complexe parce que technique et juridique, et aussi il y a des très gros enjeux pour les citoyens. Alors pour commencer, en gros, quand on dit secret d'affaires, de quoi on parle? Alors quand on regarde les définitions qui sont données par différents organismes, en gros, c'est des renseignements commerciaux, confidentiels, qui ont une valeur commerciale pour celui qui les détient. Et donc le fait d'utiliser sans autorisation de celui qui a produit ces informations ou de celui qui détient ces informations, bah, ça va être considéré comme illégal et un délit. Donc, informations confidentielles qui ont une valeur commerciale, ça peut être énormément de choses. Ça peut être des méthodes de vente, des méthodes de distribution, des fichiers de clients. Évidemment, enfin, l'exemple le plus connu et célèbre, c'est celui de la recette de Coca-Cola. Enfin, donc une recette, un procédé de fabrication, le concept de, je sais pas, d'une série télé, enfin quoi, n'importe quoi qui a été pensé et qui peut avoir une valeur commerciale. Alors vous allez voir, l'enjeu vis-à-vis de ça, c'est que, en gros, enfin, si ça peut être n'importe quoi, bah, ça veut dire que les industries vont pouvoir dire, ah ouais, non mais ça, enfin, voilà, n'importe quoi va pouvoir être protégé en fait par l'industriel, et on va voir que ça peut poser pas mal de problèmes. Donc comme je disais, il y a un enjeu là parce qu'il y a un agenda industriel assez puissant qui a commencé à se mettre en route depuis 2-3 ans déjà. L'objectif, en gros, c'est de poser une nouvelle doctrine juridique. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à présent, en France, bien sûr, on considère qu'il y a des informations qui sont sensibles pour les industries, les commerces, etc. Bien sûr, il y a des lois qui protègent contre le vol, par exemple, différentes formes d'informations qui sont pas légales. Mais on n'avait pas de texte définit le secret d'affaires en tant que tel et qui pose une protection. Et en fait, quand on regarde au niveau européen, on se rend compte que bon, bah, partout, il y avait une façon de protéger contre des pratiques commerciales déloyales, évidemment, mais dans la plupart des pays, il n'y a pas de texte en tant que tel sur la propriété intellectuelle, et ça a pas, c'est-à-dire que ce truc-là n'a pas été défini en tant que tel avec donc un régime de loi qui le concerne. Donc l'enjeu pour les industriels, en fait, c'est de créer ça, créer des nouveaux types de lois qui vont définir ce que c'est que le secret d'affaires et qui vont expliquer comment on le protège. L'argument qui est utilisé, alors c'est l'argument qui a été beaucoup utilisé à Bruxelles, là dans le cadre de la discussion autour de la nouvelle directive, c'est de dire que c'est ultra important pour les PME, les petites et moyennes entreprises, et pour protéger les salariés. Mais en fait, quand on regarde qui fait le lobby, en fait, c'est des très grosses entreprises dans toutes sortes de domaines différents et qui veulent pouvoir qualifier de secret d'affaires des informations que eux n'ont pas envie de voir divulguées ou pour lesquelles ils ont envie d'avoir une protection particulière. Donc le problème que ça pose, ces nouveaux textes, c'est qu'en fait, ça va donner des droits nouveaux aux industriels, et on va voir que ça s'oppose à des droits qui existent pour d'autres gens, où ça a tendance à minimiser ou amoindrir d'autres types de droits. Les problèmes que donc une protection du secret d'affaires trop importante, qu'est-ce que ça peut, enfin quel genre d'abus ça peut conduire? Bah, il y a plein d'exemples qui peuvent venir facilement. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, bah, c'est des effets secondaires. Donc l'industriel va dire, ah bah non, je donne pas des informations sur les résultats des essais cliniques parce que c'est vraiment c'est des données commerciales sensibles pour moi. Sauf que ouais, on peut aussi estimer que ça serait très important de pouvoir montrer qu'à l'époque de la sortie du produit, déjà, il y avait des risques de soupçonner certains effets secondaires graves. Et puis, le fait de donner accès à l'information, c'est aussi la possibilité de faire se développer une contre-expertise à partir d'autres acteurs dans la société. Mais donc, voilà, l'industrie pharmaceutique, elle utilise l'argument du secret d'affaires, de la donnée commerciale sensible pour refuser la divulgation. Il y a les exemples sur Monsanto et les pesticides, évidemment. Dans l'industrie chimique aux États-Unis, il y a eu énormément de problèmes et énormément d'utilisation. Parce qu'en fait, c'est ça qui était intéressant quand la discussion a commencé au niveau du Parlement européen. C'était d'aller se renseigner sur ce qui a pu se passer déjà dans d'autres pays. Et aux États-Unis, en fait, ils ont un régime de protection qui existait déjà, même s'il était très peu défini et ça laissait beaucoup de flexibilité aux États, différents États américains. Donc, par exemple, il y en a comme en Californie, ils avaient un régime de propriété très flexible parce qu'en fait, eux, ils considèrent que pour avoir l'innovation, il faut partager les données, il faut partager les informations. Et à l'inverse, sur la côte Est, ils avaient des régimes de protection très durs où l'argument, c'était de dire mais il faut protéger les innovations et c'est comme ça qu'on va protéger les industriels. Donc, mais bon, on a regardé un petit peu ce qui se passait aux États-Unis pour essayer de comprendre. Et là, on a vu que, par exemple, il y avait des très gros efforts de la part du lobby chimique, cosmétique, enfin tout ce type d'industriels-là qui refusent, en fait, qui utilisent le secret d'affaires pour pas que des informations sur, c'est toujours pareil, enfin c'est un peu des effets secondaires ou enfin des effets collatéraux de leurs produits ou même de la fabrication de leurs produits, c'est-à-dire ce qu'ils vont rejeter dans la rivière, par exemple. Ils peuvent pas donner l'information et quelqu'un qui la donne se fera attaquer parce que c'est de l'information commerciale sensible. Les forages, par exemple, fracking, gaz de schiste, le type de produits qui sont utilisés pour faire le forage, en fait, il y a des trucs vraiment dégueulasses qui vont polluer les terrains. Donc ça, pas possibilité de savoir ce que c'est parce que c'est des secrets d'affaires. Donc vous voyez, enfin, on peut imaginer beaucoup d'exemples. Et il y a aussi un autre problème auquel on pense moins souvent, c'est la question de la mobilité des employés. C'est qu'en fait, l'argument du secret d'affaires est utilisé par les industriels pour limiter la mobilité d'employés ou pour attaquer des employés qui étaient chez eux et qui sont partis en les accusant de révéler des secrets d'affaires, en fait. Donc par exemple, avec la nouvelle directive, pendant 6 ans, un employé peut être attaqué par son ancien employeur sur la base, enfin de l'argument selon lequel il aurait transmis des affaires. Et alors c'est très compliqué parce que quelqu'un qui développe des choses dans son entreprise, qui développe des compétences, enfin qui apprend des choses, qui développe des compétences, comment on fait la part des choses entre ce qui lui revient à lui, enfin ce avec quoi il peut partir et qu'il peut réutiliser, et ce qui va appartenir à la société. Donc on voit qu'on peut facilement avoir des vraies complications et que dans le cas où on se retrouve dans une situation où c'est un employé contre un industriel, ça va être super chaud pour l'employé. Et si l'employé ne peut pas faire valoir ses connaissances et ses connaissances et ses compétences pendant 6 ans pour essayer de se faire réembaucher, il est un petit peu dans la merde. Donc voilà le type d'enjeu. Donc on voit que, en gros, bien sûr, c'est légitime de dire qu'il n'y a pas de raison d'aller voler des trucs dans des entreprises, bien sûr, mais on voit aussi comment l'abus de la protection de secret d'affaires peut être utilisé en fait contre toutes les volontés de divulgation. Donc un des sujets les plus chauds en ce moment, évidemment, c'est les lanceurs d'alerte. Et je vais y revenir un peu après. Alors, je disais, il y a un agenda industriel là-dessus qu'on a vu. Qu'on voit se dérouler, en fait. Le problème que ça pose, c'est comme en gros ils sont en train de développer des nouveaux outils juridiques, bah, dans la société civile il n'y avait pas vraiment de gens qui connaissaient en fait ce domaine-là parce que ça n'existait pas en tant que tel, en fait. Donc c'est plutôt les mobilisations sociales qui bossaient sur la propriété intellectuelle, en fait, qui ont vu que c'était la même logique qui s'appliquait, qu'en gros il s'agit d'accaparer des connaissances et des informations en utilisant la loi. Alors, pour les industriels, l'avantage du secret d'affaires par rapport à des choses comme, par exemple, les brevets, c'est que pour avoir un brevet, il faut prouver qu'on a fait quelque chose de nouveau et que c'est une invention. Si on ne fait pas ça, on n'a pas de protection. Là, en fait, comme le député le dit au Parlement européen, c'est vraiment super parce qu'en fait, on n'a pas besoin de prouver que c'est un truc nouveau, on a juste besoin de prouver que c'est à soi et que c'est secret. Et partant de là, et ben on a le droit, en fait, de cacher ce truc-là et de le garder pour soi et de ne pas le partager. Et on peut attaquer des gens à ce titre. Donc l'agenda des industriels, on voit qui c'est, donc on le voit se déployer. Alors à l'échelle nationale, dans pas mal. Donc hier, en fait, il y a un nouveau texte, une nouvelle loi qui a été signée par Obama aux États-Unis. Au Japon, ils sont en train de préparer un nouveau texte. Enfin, il y a plein de pays dans lesquels un nouveau texte est en train de préparer. Donc, quand on voit comme ça, dans plein de pays à la fois, un nouveau texte sur un sujet comme ça être préparé, en fait, rapidement, on comprend que derrière, il y a des intérêts qui poussent, en fait. Donc, ils poussent partout au niveau national. En France, je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, mais dans la loi Macron, il y avait un truc sur le secret d'affaires. Qui au dernier moment avait été retiré de la loi suite à une mobilisation de journalistes, parce qu'évidemment les journalistes, le fait de pouvoir divulguer des informations, c'est un peu comme les lanceurs d'alerte, donc il y en a qui se sont mobilisés. Et en France, il y a aussi un projet de loi spécifiquement sur le secret d'affaires qui pour l'instant est un peu dans les tuyaux, qui n'a pas été discuté, mais on sait qu'il existe et voilà. Donc ça, c'est au niveau national. Maintenant, il y a aussi donc le niveau européen. Donc on a vu depuis 2 ans cette discussion sur la directive européenne, j'y reviendrai, qui a été votée récemment. À un niveau international, en fait, le secret d'affaires, c'est un des éléments qui fait partie du chapitre sur la propriété intellectuelle de l'accord de transatlantique, TTIP ou TAFTA, donc comment on l'appelle. Donc voilà, vous voyez, enfin, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que dans tous les niveaux de négociation politique, enfin de production de textes et de lois, ce truc a été inséré. Et puis, bien sûr, maintenant qu'il y a une loi, qu'il y a une directive européenne, en fait, la prochaine étape pour tous les pays européens, ça va être la transposition. Donc, en fait, on va revenir dans un jeu national où ils vont vouloir transposer cette directive et donc, voilà, préparer des nouvelles lois dans les 28 États membres. Il y a une mobilisation sociale qui a commencé à se développer au niveau européen depuis un an et demi, en fait, depuis fin 2014, avec des gens qui travaillaient sur la santé, sur l'environnement, des syndicats de différents pays, des gens qui travaillaient sur l'Internet, évidemment, quoi, sur la circulation d'informations, sur l'accès à l'information, sur les lanceurs d'alerte, etc. Donc on a vu petit à petit, en fait, se constituer un espèce de collectif informel de gens qui comprenaient qu'il se passait un truc et qu'il fallait essayer de travailler ensemble. Donc je vous disais, c'était pas très facile parce que ça voulait dire se plonger dans un terrain, enfin sur un truc complètement nouveau. Donc il y avait un projet de loi, un projet de directive de la Commission européenne, étudier ce projet, essayer de comprendre en fait quel genre de problème ça va pouvoir poser, rentrer dans la mécanique juridique et puis voilà, enfin avoir des positions, expliquer qu'il faut pouvoir protéger l'existence des lanceurs d'alerte, protéger la possibilité d'obliger les industriels à révéler des informations. Il y a un travail qui est fait quand même beaucoup dans le domaine de l'environnement ou de la santé ou de la protection des consommateurs pour obtenir plus de transparence face aux industriels. C'est un espèce de mouvement qu'on voit dans la société quand même qui intéresse les gens, les citoyens, les consommateurs. Et là, en fait, c'est exactement le mouvement inverse en fait qui essaye de prendre le pas. Donc il y a une mobilisation. En France, elle est surtout le fait de journalistes. Il y a eu un collectif qui s'est lancé autour d'Élise Lucet. Spécifiquement sur le problème du secret d'affaires et qui ont du coup bossé au niveau européen avec les autres associations. C'était assez intéressant en fait de voir tous ces gens de domaines assez différents commencer à bosser ensemble en fait. Bon, avec le fait qu'évidemment ils étaient pas, c'est plutôt dur pour eux parce qu'il y a une vraie inégalité évidemment des ressources dans les deux. Le mouvement industriel d'un côté et puis la société civile de l'autre. Ce qui a un petit peu aidé la société civile, c'est qu'il se passe pas mal de trucs assez glauques ces derniers temps. Et donc, par exemple, il y a la question des Panama Papers. Donc ça, c'était pas mal parce que c'était vraiment un exemple type où plusieurs millions de documents sont rendus publics qui montrent en fait la façon dont l'évasion fiscale est pratiquée par un certain nombre d'individus, d'entreprises et comment des gouvernements permettent ça. Et là, on voit bien, quoi, c'est typiquement le type de cas où il faut pouvoir protéger les gens qui vont rendre l'information accessible sur ce qui se passe. Ça a fait beaucoup de bruit, les Panama Papers, et on n'a pas fini d'en parler. Il n'empêche que 15 jours après, le Parlement européen a voté la nouvelle directive. Alors la société civile espérait qu'on allait être capable de bloquer ce truc-là parce qu'il y a vraiment une actualité très chaude et qui faisait vraiment la démonstration de l'intérêt de pouvoir divulguer l'information. Il n'empêche que voilà, 77% des députés ont voté pour la directive. Il y a eu beaucoup de discussions avec les socialistes et les socialistes européens qui, en gros, comprenaient les inquiétudes des gens sur les lanceurs d'alerte. Mais enfin, ils estimaient que le texte était quand même pas si pire, surtout qu'on n'arriverait pas à avoir quelque chose de meilleur et qu'il valait mieux le faire passer. Donc, ce qui a beaucoup fâché les associations, les ONG, les activistes. Et en même temps, c'est pas exactement nouveau qu'on a ce genre de problème avec les sociaux-démocrates européens. Le texte de loi, et notamment grâce au travail de la société civile, il contient quelques éléments qui essayent de, enfin, qui en théorie sont censés défendre l'intérêt général. Donc je ne vais pas vous lire le texte parce que ce ne serait pas très fun, mais en gros, ce que ça dit, il y a deux types de protection. Il y a un type de protection qui dit, en gros, on ne peut pas appliquer les lois sur le secret d'affaires quand il y a des règles européennes ou nationales qui demandent que des éléments soient divulgués dans l'intérêt général. Donc ça, c'est un type de protection. Donc il y a des choses dans la loi qui disent on doit permettre l'accès à l'information. Et le deuxième type de protection, c'est de dire il y a eu un abus, enfin un truc pas normal, illégal, dangereux qui s'est produit, et quelqu'un le révèle au nom de l'intérêt général. Le problème avec la façon dont la directive est rédigée, c'est que qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand il s'agit de donner accès à des informations alors que la loi ou les directives européennes ne prévoient rien à cet égard? Et en fait, ça arrive tout le temps. Parce que, par exemple, tout d'un coup, on se rend compte que, je ne sais pas, tel produit chimique s'avère avoir un impact super négatif, être responsable de cancer. Un mois avant, on ne le savait pas. Donc c'est pas dans la loi, et ce sera pas dans la loi avant 6 mois, 1 an, 2 ans, on sait pas combien de temps. Pendant toute cette période là il va falloir non seulement rendre l'information disponible sur le fait que c'est dangereux, dire dans quel produit il y en a, etc. Donc ça, c'est une grosse limite. Dans bien des cas, l'évasion fiscale, c'est la même chose. Il y a plein de pays dans lesquels les choses sont légales, en fait. Le problème qu'on a, c'est que pour l'instant, souvent, le texte, il y a des gaps dans le texte, les gens utilisent des vides juridiques, donc c'est pas illégal. Donc, dans ces cas-là, on est coincé. Ce qu'il y a concrètement, ce qui est écrit dans la directive, ne permet pas de protéger. Par ailleurs, l'intérêt public, l'intérêt général, après, ça veut dire qu'au cas par cas, ça doit être évalué par un juge. Donc ça veut dire qu'il y a une procédure, ça veut dire que les gens peuvent être attaqués, ça veut dire qu'il y a un combat d'avocat, et ça veut dire qu'il y a un juge qui décide. Donc à chaque fois, on revient dans la situation de tout à l'heure. Dans ce type de cas, on va souvent être un individu contre une très grosse boîte, avec des ressources très inégales pour se défendre. Et voilà, ça dépendra un peu comment le juge va décider de définir l'intérêt général. Dans certains cas, il pourrait très bien dire « Ouais, non, mais l'intérêt général, c'est que cette firme puisse continuer à faire son travail parce qu'elle emploie des gens. » Enfin, on voit souvent comment ce genre d'arguments sont utilisés. Donc la protection, elle est très, très aléatoire. Un des gros enjeux, ça va être comment est-ce que cette directive va être mise en œuvre. Et là, c'est là où c'est un peu l'enfer. C'est qu'en fait, tout d'un coup, il y a un signal très fort qui est donné. Il y a une directive qui intime l'ordre à 28 pays de mettre en place une loi sur le secret d'affaires pour le protéger, avec tout un tas d'arguments pour expliquer comment c'est important. Sauf que la directive, par ailleurs, elle précise pas tellement ce que c'est le secret d'affaires. Le secret d'affaires, elle dit, c'est une information qui est secrète. C'est une information qui a une valeur commerciale et donc pour laquelle le possesseur de l'information a fait des efforts pour la maintenir secrète. Donc vous voyez, c'est un champ extrêmement, extrêmement large. Et voilà, un des enjeux, si on a dans les lois nationales une définition aussi large, on comprend que tout et n'importe quoi va pouvoir y rentrer. Donc ça veut dire en gros qu'il faudrait qu'il y ait un travail fait au niveau national pour que les gouvernements soient beaucoup plus restrictifs que ce qu'a été la directive pour protéger l'intérêt de leurs citoyens. Il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez suivi les suites de LuxLeaks. Donc LuxLeaks, c'est un autre scandale sur l'évasion fiscale où trois personnes avaient rendu disponible une fois de plus des documents qui montraient en fait des accords fiscaux entre tout un tas de boîtes, Apple, IKEA, etc., et le fisc luxembourgeois pour justement pas payer d'impôts ou payer quasiment pas d'impôts. Donc ils ont rendu disponibles des informations là-dessus, ce qui a quand même ouvert un débat très important, je pense, et ultra nécessaire sur l'évasion fiscale, même si pour l'instant ça n'a pas conduit à ce qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises. Il n'empêche qu'en attendant, ces trois-là ont été attaqués, et ils sont attaqués sur la base de l'argument du secret d'affaires. Alors, dans un sens, une fois des arguments à la société civile pour dire, vous voyez, c'est exactement ça dont on a peur. Et il y a deux jours, le procureur a demandé une peine de 18 mois de prison au nom du secret d'affaires et du secret commercial contre l'une des trois personnes. Et là, c'est vraiment le cas où, en fait, la directive ne les protège pas. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont révélé, ce n'est pas illégal au Luxembourg. Et bien sûr, ce qu'ils ont révélé, c'est dans l'intérêt général. Mais voilà, quoi, comment on défend l'intérêt général si... s'il n'y a pas moyen de montrer que ce qui a été fait, enfin voilà, si ce qui a été fait n'est pas un problème dans le cadre le cadre juridique national. Je pense que je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails et peut-être, enfin après on va pouvoir discuter. Je voulais juste dire que donc les enjeux pour, enfin les gros enjeux aujourd'hui, en gros, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Alors là-dessus. Il y a quand même une mobilisation qui commence à monter. Un certain nombre de groupes se sont dit que peut-être une façon d'essayer de lutter contre cette directive européenne, c'était d'essayer d'avoir une directive de protection des lanceurs d'alerte. Donc il y a des associations qui ont commencé à rédiger en fait une directive, puisqu'en se disant, bah, de toute façon, si on attend qu'ils le fassent, si on attend que la Commission européenne le fasse, on risque d'attendre longtemps. Donc peut-être en fait il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Donc il y a un projet de directive qui est rédigé par des associations et discuté entre elles en ce moment, qui va être introduit au Parlement européen. Mais bon, hein, c'est un long shot, hein, parce que entre le moment où ça va être introduit, est-ce que ça les intéresse vraiment? S'il n'y a pas de mobilisation sociale, je pense que ça ne se fera jamais. Donc ça, c'est un truc très important. Et plus généralement, enfin, je pense qu'il faut que les gens comprennent que ce truc, même si ça paraît très abstrait, en fait, c'est une menace directe contre tout le boulot qui peut être fait pour accroître la transparence dans plein de situations différentes où l'industrie essaye de soit dissimuler des informations, soit être en mesure d'attaquer les gens qui voudraient les divulguer. Et, ou tout simplement dire aux agences nationales non, je vous donnerai pas, je rendrai pas disponibles les résultats des essais cliniques parce que commercialement je vais trop en pâtir. Et comme je disais tout à l'heure, en jeu à venir là, pour les années à venir, c'est la transposition nationale de cette directive. Et donc il y a déjà une mobilisation de journalistes en France, mais clairement ça ne va pas être suffisant. En gros, il va y avoir besoin d'une mobilisation pour vraiment exiger un texte qui protège l'intérêt général et être ultra vigilant en fait sur ce qui va être discuté. Parce que si le texte était passé comme le gouvernement voulait le faire il y a 2 ans, en fait, il n'y avait quasiment personne pour rien faire, quoi. Donc il y a un vrai besoin de discussion et de mobilisation. Et pour moi, c'est pour ça que c'était intéressant de venir en parler ici et puis d'avoir la possibilité de se poser un peu des questions, de discuter de ça, de savoir quels sont les groupes en France qui bossent là-dessus, où est-ce qu'on peut trouver de l'information, etc. Est-ce que je sais pas, qui veut réagir, poser des questions Merci. Oui, je voudrais réagir et poser des questions, justement. Je suis arrivé en cours de... Mais enfin, je connais bien le sujet et je le trouve très préoccupant, effectivement. Et je pense que le secret des autres n'est pas le seul mal. Le secret en soi est un mal dans notre société. Je pense que c'est ça qui détruit quelque part notre démocratie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le secret qui rend, comme il est légiféré, le secret, n'est-ce pas ? Il est légiféré, il ne faut pas l'oublier. Donc, il devient légal, Et cette légalité, par rapport à ce que tu disais, effectivement, sur le comportement des multinationales et des États, nous permet pas d'avoir un accès informé aux problématiques qui nous concernent lourdement, très lourdement, et ainsi on ne peut pas vraiment les comprendre. Nombre de gens ne les comprennent pas. Parce que le secret cache pour la plupart du temps des méfaits, de véritables délits. Et donc ce ne sont que si on ne met pas fin au secret abusif, au secret non légitime, mais légal, on est mal barré. Voilà, donc c'est vraiment une affaire très préoccupante. Et entre autres, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour Nuit Debout, là, mon Dieu, les thématiques sont nombreuses, me semble-t-il. Et les gens sont intéressés, mais ils sont non seulement intéressés comme là, c'est-à-dire de façon très particulière, sur une thématique particulière, mais ils sont intéressés par l'ensemble. Et il me semble qu'il serait intéressant, il faut absolument, me semble-t-il, même pour le mouvement Nuit Debout, de faire une synthèse de tout ça, ce que je dirais quelque part, une synthèse identitaire. C'est-à-dire les citoyens sont touchés par certaines thématiques pour des raisons personnelles, la plupart du temps, et donc s'intéresse à la chose. Mais toutes ces thématiques se rejoignent, et donc il serait temps, me semble-t-il, de faire entendre une voix populaire authentique et lourde. On n'y arrive pas vraiment encore. Notre ennemi, on connaît nos ennemis principaux, surtout les médias, hein, les médias qui taisent tout, pire que ça, qui trompent, la tromperie est généralisée, maintenant s'institutionnalise, le secret est une tromperie dans bien des cas. Ça s'institutionnalise et c'est très grave. Et donc, il faudrait arriver à faire une synthèse de tout ça. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent dans quelque chose qui n'est pas simplement thématique, mais bien plus large. Dans ce cas-là, à mon avis, oh là là, il y a du monde. On en a besoin. Voilà. Je passe la parole à qui la veut. Je pense, alors je continue puisqu'on me laisse la parole, je pense qu'il serait bon de cristalliser tout ça de façon concrète. On a beaucoup de mal. Je pense que les thématiques et la vie générale de la population seraient suffisants pour donner une identité bien plus large à ce mouvement et bien plus puissante. Mais pour cela encore, si on compte sur les médias, on va avoir beaucoup de mal. Les médias tournent cela en dérision quelque part, minimisent, etc. Bon, on ne va pas passer sur toutes leurs méthodes. Hein. Et donc, je pense que peut-être il serait intéressant de savoir combien de gens participent à Nuit Debout. Et pour le faire, on pourrait le faire de façon très facile, très citoyenne, de surcroît totalement transparente et incontestable. Pour cela, me semble-t-il, plutôt que de faire des grands rassemblements qu'ils appellent à la violence, trois types de violence, hein, la provocation, on connaît, l'ennemi, on connaît aussi, et puis l'imbécile, mais enfin qui se laisse aller, qui se laisse emporter dans l'émotion collective. Et tout ça, ça met en danger, tu le disais tout à l'heure, on cherche la faute pour interdire. Les lois liberticides aujourd'hui se votent sur ça, systématiquement. Et on élargit d'ailleurs, une petite faute devient une faute globale pour tout le monde, et puis boum, on tape, et voilà, on interdit. Et on peut s'attendre d'ailleurs dans les mois à venir à ce que des lois liberticides soient votées, hein, parce que pour eux c'est chaud, me semble-t-il. Donc je reviens à mon propos au sujet du nombre de participants à Nuit Debout. Si d'aventure il nous arrivait de faire cela chez soi, dans sa ville et dans son village, voire dans son quartier pour les grandes villes, on se met tranquillement à une heure bien précise tous ensemble sur la place publique, on se met en randonnion, en carré de sang, on s'assoit par terre, on fait une photo et on voit les têtes au premier coup d'œil. On sait combien il y a de personnes. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Si on fait ça, je garantis que demain, on sera des millions. Voilà, j'en ai fini. Merci pour la présentation. Je me dis concrètement comment réagir par rapport à ça. S'il y a des associations qui sont déjà en train de rédiger des choses, il me semble assez logique, quoi, de se mettre en lien avec ces associations. Peut-être que ça pourrait prendre la forme d'une commission au sein de Nuit Debout pour accompagner ce mouvement-là de rédaction, en fait, d'une directive autour des lanceurs d'alerte, quoi. Et puis au-delà de ça, peut-être que cette démarche-là de décider d'écrire nous-mêmes les choses, ça peut être proposer d'écrire la loi française, en fait. Je sais pas s'il y a des avocats qui sont mobilisés et qu'il y a suffisamment de gens compétents pour à ce niveau-là dans les Nuits debout. Peut-être que ça peut être intéressant de faire carrément une commission à ce niveau-là et puis de se mettre au travail. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien savoir le nom de l'association qui fait ça. Ouais, en fait, vos deux interventions, ça me faisait penser que, enfin, sur ce sujet-là, et puis j'imagine ça pourrait aussi être fait sur d'autres, mais dès lors qu'il y a une actualité comme ça, on peut facilement, en fait, avoir un calendrier de ce qui va arriver. On a un point de vue sur le futur, on sait quelles sont les échéances et ça peut permettre de s'organiser. Et par ailleurs, effectivement, on peut aussi faire rendre visible en fait qui sont les points d'entrée sur le sujet, parce qu'effectivement il y a des groupes, une mini biblio, enfin quelques références en fait de vidéos, de pétitions, de statements qui ont été faits par quelques groupes justement et qui seront mis sur le site. Ça fait des entrées pour les gens. Par rapport à la proposition d'écrire le texte, je trouve que c'est une super proposition. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que exactement sur un sujet comme ça, c'est un nouveau sujet poussé par l'industrie. On voit le travail des lobbyistes, en fait, et c'est ça qu'ils font, en fait. Ils produisent du texte et ils ventilent leur texte auprès des élus. Et les élus, ils prennent le texte et ils l'incorporent dans leur texte à eux et ils le votent. Et en fait, ce qui serait super, ça serait de produire notre texte, mais de le rendre disponible à tout le monde, quoi. Parce que là, ça se fait toujours dans le secret, justement. C'est filé indiscrètement et après on ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas, voilà. Et en fait on ne voit pas que c'est des industries. C'est pour ça que je vous disais au début, quand les gens se sont mis à regarder cette directive, ce qui était compliqué, c'était d'essayer de comprendre la façon côté d'écrire les choses en langage juridique, qu'est-ce que ça veut dire et quels intérêts ça protège, quoi. Décrypter, c'est que peut-être c'est les piles. En fait, c'est moi qui appuie sur le truc. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut écrire un texte, quoi, et on peut le rendre public, et donc le donner à chaque député. Et puis, en même temps, ça permet de donner une vraie visibilité sur qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, citoyens, on considère comme étant l'intérêt général et que la loi devrait défendre. Alors, pour une fois, je suis vachement d'accord sur les commentaires sur les médias. Enfin, surtout en ce moment, c'est vraiment dur de voir, en fait, les choses mensongères qui sont véhiculées, parce que voilà. Mais là, sur ce coup-là, il y a des soutiens, en fait, parce que comme les journalistes sont directement menacés, du coup, ils se sont mobilisés, et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi les mettre à contribution. Ouais, je comprends ça, mais effectivement... mais les médias aussi à qui ils appartiennent, d'une part. Et ce que je disais au niveau du, ce que j'appellerais un sitting de comptage, c'est qu'on fait, preuve d'une transparence complète, totale et irréfutable. C'est ça qui est important. Ils sont tout le temps dans le mensonge, nous on serait dans la vérité. On est trop. Et donc ça c'est important, me semble-t-il. Et surtout, ça motiverait les gens pour se déplacer. Pour se déplacer chez eux, pas loin. Il n'y a pas le problème économique, ni professionnel, ni familial qui vient se greffer là-dessus, ou de façon très très légère, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Combien de gens, ça leur coûte tellement cher, c'est tellement difficile, les contraintes, qu'ils ne se manifestent pas. Tous ces gens-là seraient présents. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de... Merci. Moi, je trouve intéressant l'idée de dire que Nuit debout, c'est pas seulement la loi El Khomri. Ça va plus loin, c'est aussi quelque chose, un mouvement qui a vocation à perdurer et à proposer des alternatives. Parce qu'il y a des gens, la loi El Khomri, ça ne va pas leur parler, ils ne vont pas se sentir concernés. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui ici et dans ce mouvement, c'est de pouvoir se poser des questions sur comment on vit, comment on travaille, comment on consomme et comment on peut réussir à être heureux et indépendant face à un système et une société qui n'est pas du tout humaine. Voilà. Non, puis je pense vraiment ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que c'est bon, quoi. Il y a un moment, on est tous capables de faire quelque chose et d'arrêter de confier ça à des personnes qui depuis des années, nous le rendent pas, quoi. Donc voilà. Après, moi, j'avais une petite question. C'était par rapport aux personnes qui ont dénoncé les choses sur Google, etc., etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a rien qui les défend, parce que, enfin, je veux dire. Au niveau de la fraude fiscale, c'est quand même quelque chose de très grave. Et c'est quand même impressionnant que les mecs encourent 18 mois de prison parce que, enfin. Voilà quoi. Je sais pas quoi rajouter de plus. Mais à un moment, c'est quand même un petit peu impressionnant quoi. Par rapport à confier à des personnes qui font pas ce qu'ils devraient faire avec. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant sur un sujet comme ça qui est. Enfin, à la fois très simple, parce qu'on voit complètement les gros intérêts d'un côté, l'intérêt public, l'intérêt général de l'autre. Donc ça, ça se comprend vite, mais après, c'est vrai que ça devient vite technique dans la façon dont la loi, elle est rédigée. Mais justement, quoi, c'est là où moi, je trouve que c'est intéressant de, enfin, qu'il faut s'emparer des trucs plutôt que d'avoir l'impression que, ah bah ouais, il n'y a que un député et trois lobbyistes qui sont capables de comprendre, en fait, ce que ça veut dire et qui vont rédiger la loi. Et on est obligé de s'en... Enfin, je pense qu'on peut être... C'est un principe général qu'on peut appliquer toujours, mais là, en l'occurrence, on peut vraiment être suffisamment mécontent avec le travail que font les représentants du peuple et les élus pour avoir envie de mettre soi-même la main à la pâte et de dire, enfin voilà, on peut faire les trucs aussi nous-mêmes, on peut expliquer très clairement ce qui doit être protégé, ce qui ne doit pas l'être, quels sont les intérêts qui doivent être défendus. Sur l'histoire des 18 mois de prison pour les lanceurs d'alerte sur l'évasion fiscale, le problème, c'est simple, quoi, c'est que d'un côté, il n'y a pas de loi qui condamne l'évasion fiscale, donc déjà gros problème. Non, bah parce qu'en fait, il y a des lois, mais enfin non, c'est ce que, comment ils appellent ça, l'optimisation fiscale. En fait, il y a plein de trous, quoi. Les avocats des boîtes, ils passent par ces trous. Et surtout, il y a aussi des gouvernements très complaisants, hein. En Europe, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, les îles anglo-normandes. Voilà, c'est des endroits qui font exprès d'être des endroits où les gens vont pouvoir venir en payant pas d'impôts. C'est comme ça. Donc, l'évasion fiscale n'est pas condamnée. Et deux, le secret d'affaires, lui, est protégé. Donc voilà quoi. Des deux côtés, ça retombe sur la tête du lanceur d'alerte. Et le lanceur d'alerte, lui, bah, il y a la protection vague et générale de l'intérêt général, mais du coup, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas opérationnel. Et c'est pour ça que la société civile était très furax après les socialistes au Parlement européen, qui soi-disant comprenaient le problème, mais disaient non, mais le texte n'est pas si mal. Mais avoir un texte qui n'est pas un outil qu'on va pouvoir utiliser dans un tribunal pour un lanceur d'alerte, bah voilà, ça veut dire que c'est rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur le sujet ? Je dirais toujours dans le cadre de mon propos sur l'élargissement de la lutte, en réalité, on assiste à une inversion du droit. Carrément, les corrompus ont les honneurs de la République et les lanceurs d'alerte, mon Dieu, on les fout en prison. L'affaire est simple et tout est comme ça. Tu parlais tout à l'heure des textes et de la complexité du propos juridique, du jargon juridique. Il n'y a pas que ça, il y a le volume. Il noie sous le volume, c'est complètement incompréhensible. L'important, c'est tout petit, c'est quelque part, faut le découvrir. Mon Dieu, c'est terrible ce qu'ils font. C'est l'abus de pouvoir permanent. Là, maintenant, on a l'impression de vivre sous une dictature. Les lanceurs d'alerte en prison, c'est la dictature. Les opposants politiques mis en résidence chez eux pour des raisons auxquelles ils n'ont rien à voir, ça, c'est l'Union soviétique, je suis désolé, quoi. Et on est en France aujourd'hui. Voilà. Tout ça, c'est complètement lié. Je ne sais pas si ça a vraiment à voir, mais à propos de la finance, on parle de libéralisme, enfin que c'est un système économique, etc. Mais ça fait je ne sais pas combien d'années qui fonctionne seulement en faisant marcher la planche à billets, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien les Américains que les Européens, comment on dit, les banques centrales. Imprime des billets, crée de la monnaie, des millions, de milliards, etc. Est-ce que c'est pas illégal, ça? Je suis pas compétente sur ces questions économiques, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Par contre, sur la question de l'inversion du droit, effectivement, et le secret d'affaires, c'est ça qui est un peu phénoménal. On discutait tout à l'heure de comment c'est très flou, donc tout peut rentrer sous le chapeau de secret d'affaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le secret, ça devient la règle générale. Alors qu'au départ, le secret, c'était censé être des exceptions. Donc, il y avait des cas d'exception dans lesquels il fallait démontrer que vraiment, c'était trop... Enfin, voilà, il fallait pouvoir garder des informations secrètes. Là, maintenant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et on voit bien comment ça va exactement à l'encontre des mouvements sur le partage, la collaboration, l'échange, la transparence, où on essaye de construire des choses nouvelles, des façons de travailler, de collaborer différentes. Et l'industrie essaye de casser ce truc-là. Sur les textes, le jargon, la complexité, le fait qu'il faut voir à quel moment il se passe un truc, et c'est des fois pas facile. Là, le fait est que, en ce moment, sur ce truc-là, bon, bah, on l'a vu, quoi, on l'a décelé. Donc, on a la possibilité de s'y coller. Et c'est vrai que quand ça se joue à Bruxelles, où c'est donc quelques associations dans différents domaines qui vont se battre contre les lobbies des industriels, tas de secteurs différents industriels, c'est vachement difficile parce qu'on a des dizaines de lobbyistes et puis trois représentants d'ONG. Ça c'est voilà. Au niveau des institutions, c'est ça qui se passe. Après, si on s'empare du sujet. Effectivement, on peut tout d'un coup être des centaines, des milliers, avec une voix et des choses à dire sur le secret d'affaires, des propositions de textes, des propositions d'articles. Et je pense que ça serait intéressant comme pratique politique et comme exercice d'essayer de les déborder tout simplement. Je pense qu'on peut. Enfin, je veux dire, ça a beau être technique et tout ça, on a nos experts, on a nos capacités. Je veux dire, on est tout à fait capable. Donc, je pense qu'il faut juste y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux conclure, sinon? Pour conclure, enfin, je vous ai dit, donc moi je vais donner un petit texte qui donne quelques éléments là sur la présentation et puis des références bibliographiques. Et puis ça ne me gêne pas d'être contacté par qui veut pour continuer à travailler là-dessus. Voilà. Je voulais sinon faire une annonce sur un sujet différent. Je participe à une revue qui s'appelle Vacarme, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai amené quelques numéros, si vous pouvez les prendre. Et en fait, lundi à 18h, ici même, on va organiser une discussion avec qui voudra sur la question de qu'est-ce que Nuit Debout déplace. Donc les trucs nouveaux que Nuit Debout permet, les trucs voilà, politiques nouveaux que Nuit Debout permet. L'idée, c'est d'avoir une discussion avec les gens qui sont là et qu'il en ressorte quelque chose qui sera publié dans la revue. Donc vous êtes tous invités, 18h lundi.